dis-moi, qu'est-ce qui pourrait te faire croire qu'on est vivant? Qu'est-ce qui pourrait te faire croire que je suis dans le vent? Pareil qu'on a les mêmes sources de soucis, les mêmes peines, les mêmes joies froncent les sourcils. C'est à chacun sa façon de vivre, de voir les choses, moi j'aime être ivre. Tripper, flipper ma race quand tu def, effriter ma life, t'exciter, vas-y taf, hey. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser que je suis taille? Ou que je suis corps hal avec mes 110 en taille? Moi les gens de taille, je les connais, y'en a pas tant de ça. Y'a déjà SM3 et puis dans ça, danser, tu me kiffes et tu veux mon fun distancé. Des fois MC, je pique en distance ou en distrophe. Les gens en disent trop, distrait à fond. Tu devrais être le check, le microphone. Tu kiffes ce son, laisse-toi aller. C'est juste pour parler même si tu te remballer. Ouvre bien tes oreilles et tes yeux, essaye, je te laisse, c'est pour ça que t'as pas sommeil. Dis-moi, tu sens le flow? J'suis pas number one, mais j'ai le son qu'il faut. Si ça fait effet, faut que ça jump grave. Si j'défais les faux, désolé, chacun ses défauts, j'essaie d'être vrai. On est avec nos tards, on les connaît tard. Si on vit sur terre, qu'on enterre nos proches, vient nos tards. Si, pas besoin qu'on me guide, rien à foutre de ce qu'on raconte dans le cuir. De son, j'm'abreuve et deviens libre. Voici du lourd car sur les beats grave. Faut que j'balance mon kit crade. Tous maintenant j'ai big grade. Tous, c'est big bang, gaffe. Quand j'ai back taf, quand ça tourne grave, on me place si tu kiffes grave. Kiffe grave, S6. J'ai du son neuf à te faire écouter. Pendant de la graine, toi qu'on engraine sur les morceaux qui entraînent. Mais qui t'entraîne de test. À cette hauteur, dis-lui que c'est mort. Check ça, 2-3 T-Rex dans son moteur. J'ai pas rêvé, hey, je te réveille. Si c'est agent S6, enfin, le son qui est pas pareil. Chez moi, c'est abstrait. Mais faut crever les abcès. J'rappe sévère et hard pour me relaxer. Tu kiffes ce son, laisse-toi aller. C'est juste pour parler M, c'est tout te remballer. Ouvre bien tes oreilles et tes yeux, essaye, je plais. C'est pour ça que t'as pas sommeil. Dis-moi, tu sens le flow? J'suis pas number one, mais j'ai le son qu'il faut. Si ça fait effet, faut que ça jump grave. Si j'défais les faux, désolé, chacun ses défauts, j'essaie d'être vrai. Tu kiffes ce son, laisse-toi aller. C'est juste pour parler M, c'est tout te remballer. Ouvre bien tes oreilles et tes yeux, essaye, je plais. C'est pour ça que t'as pas sommeil. Dis-moi, tu sens le flow? J'suis pas number one, mais j'ai le son qu'il faut. Si ça fait effet, faut que ça jump grave. Si j'défais les faux, désolé, chacun ses défauts, j'essaie d'être vrai.